c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme? Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Eh bien, moi, je plonge. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Il est des attachements que l'on peine à expliquer rationnellement, des passions qui nous dépassent. Celle de Jean-Marc Duroux pour le Sahara est de celle-là. Dans cet univers minéral, brûlé par le soleil, balayé par le vent, rudoyé par les écarts de température, notre homme se sent dans son élément. Pendant des années, il a parcouru en tous sens ce gigantesque désert qui s'étend sur près de 9 millions de kilomètres carrés. Il y a réalisé des photos qui lui ont valu de nombreux prix. Il a partagé la vie des peuples nomades. C'est lié d'amitié avec Théodore Monod. Sa passion et sa curiosité l'ont aussi conduit à s'intéresser à l'histoire des explorateurs d'hier qui, au péril de leur vie, se sont aventurés dans cette région du globe alors qu'elle était encore très mal connue. Cet après-midi, Jean-Marc Duroux nous emmène avec lui à la découverte du plus grand désert chaud de la planète, de son histoire et de ses habitants. Cette émission est en partenariat avec le 1 Hebdo, dont le dernier numéro intitulé « Passion Sahara » vient de sortir, et la journaliste Sophie Guérardi, qui a coordonné ce numéro, nous accompagne pour ce bivouac en zone désertique. Vous venez de prononcer le mot désertique. Pour moi, tout le problème est là. C'est parce que le Sahara est désertique qu'il m'intéresse, parce qu'un désert, par son état physique, n'est pas un pays comme les autres et qu'il pose, par conséquent, de nombreux problèmes aux gens curieux comme moi. N'est-ce pas extraordinaire de se promener pendant 15 jours, sans trouver d'eau, sans voir même âme qui vive, comme cela m'est arrivé plusieurs fois, de voir un jour des vagues de sable qui ressemblent à la mer en furie, d'autres fois une plaine sablonneuse dont les yeux ne peuvent percevoir la fin. Il est varié, plein d'imprévus et souvent plein de charme, parfois méchant et même terrible lorsque le climat s'en mêle. Il faut le prendre comme il est, avec ses bons et ses mauvais jours, et subir d'une égale humeur les joies et les peines qu'il procure. Bonjour Sophie Guérardi et Jean-Marc Duroux. Bonjour. Bonjour. Nous venons d'entendre la voix du préhistorien Henri Lotte, amoureux du Sahara, mort en 1991. Mais vous l'avez bien connu, Jean-Marc Duroux. Oui. Je vous voyais écouter cette description amusée, avec les yeux un peu écarquillés. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de sa description, ces paysages lunaires? C'est une description quand même très vintage. Hein, ah oui. Puisque en fait, on est... c'est les immensités du nerf, la sécheresse, etc. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un réalisme beaucoup plus... On est sur des descriptions quand même qui ont évolué, même si le paysage n'a pas évolué. Je pense qu'on n'est pas du tout comme à cette époque où il y avait une espèce de propagande de ce Sahara. Il fallait absolument que c'était à l'époque, en plus de ça, avant l'indépendance, c'était une terre française, donc il fallait absolument valoriser cette région en tant que telle. Bon, aujourd'hui, on est beaucoup plus distant par rapport à tout ça. On se trompe si on imagine le Sahara comme un grand espace vide où l'on voit des dunes à perte de vue. C'est une vision réductrice? C'est une vision totalement réductrice, puisqu'en fait 20% du Sahara est recouvert par les dunes. Il y a des immenses plateaux, ce qu'on appelle les hamadas, comme le Tademaït ou le Hamad al-Mra par exemple en Libye. Il y a des montagnes comme le Hogar, à 3000 mètres d'altitude, ouais. Le plus haut sommet étant les Mikoussi, à 3416 mètres au Tchad. Donc, le Sahara est très très varié en finalité. Contrairement à ce qu'on peut penser, le Sahara occidental, du fait qu'il est proche de la mer, est totalement différent du Sahara central, beaucoup plus sec dans le Sahara, dans l'est du Sahara, le Sahara libyen et égyptien, et puis des zones comme le Ténéré ou le Tanezrouf, qui sont des déserts dans le désert. Oui, c'est ça. Le Ténéré, oui, c'est au centre du Sahara. Au centre du Sahara. Et c'est le désert du désert. Voilà, c'est le désert des déserts. Ouais. Et c'est un espace qui est grand comme la France, où effectivement il ne pleut pas pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais au Sahara, il ne pleut pas tous les ans. On arrive à y vivre parce qu'il y a des nappes phréatiques. Mmh. Et souvent, d'ailleurs, c'est amusant, quand on boit de l'eau au Sahara, on ne s'aperçoit pas qu'Aporé, qui était un scientifique français, disait toujours, on ne s'aperçoit pas quand on tire de l'eau d'un puits dans le désert, qu'on boit de l'eau qui est peut-être tombé d'une pluie qui est tombée à l'époque de Charlemagne. C'est ça. Une eau qui a 2000 ans. Ou 1000 ans, absolument, ouais. Absolument. Alors vous avez éprouvé très jeune cette fascination pour les paysages désertiques du Sahara, Jean-Marc Duroux. Quel âge vous aviez la première fois que vous y avez mis les pieds? Alors, la première fois que j'ai mis les pieds, je devais avoir 15 ans et demi. parce que je suis né en Algérie d'une famille je suis la cinquième génération à être né en Afrique du Nord, et au moment de l'indépendance, ma mère et une partie de mes grands-parents, enfin de ma famille, dont mes grands-parents et mes cousins, sont restés définitivement en Algérie, ils sont morts là-bas. Ouais. Et donc j'ai fait mes études en France et j'allais aux grandes vacances en Algérie. Et là, j'ai découvert le sud parce que ma mère était une amoureuse des oasis. Donc ça a été vraiment le coup de foudre. Et j'ai eu la chance de vivre notamment avec les Mozabites, qui sont un peuple ibadite, des musulmans orthodoxes. Et j'ai commencé à 15-16 ans à vivre dans ce milieu qui m'a beaucoup plu. Et vous y êtes vite retourné en 1968. Alors là, vous avez 17 ans et vous entamez un grand voyage, le tour du Maroc, 2 mois et demi. Oui, avec un ami, Joël Jaffre, on part tous les deux et on fait 2 mois et demi. Et mon père m'avait dit surtout, ne va pas dans le Sahara, il me connaissait. et en fait, la première chose que j'ai faite, c'est de descendre jusqu'à l'époque, on pouvait descendre jusqu'à Tantan, Tarfaya, ouais. Dans l'extrême sud, où j'ai rencontré les premiers nomades Tekna et Ergebat. Alors vous commencez comme guide, hein, très vite vous vous dites, cette façon de continuer à explorer à ma façon le désert, c'est de devenir moi-même guide. Guide, alors les guides à l'époque, je fais partie des 10 personnes, français et algériens, qui vont développer le tourisme qui n'existe pas, quasiment pas en Algérie. Au Sahara, le tourisme est ce qu'on appelle le tourisme à l'époque, le tourisme insolite. C'est-à-dire on campe dans le désert, il n'y a pas d'infrastructure et on emmène les gens. Et donc je suis nommé à Djanet à partir de 72. Djanet, c'est à la frontière algéro-libyenne. Et là, je reste 2 ans où on va ouvrir des itinéraires. Vous aviez le sentiment un peu d'être explorateur à votre mesure, à votre façon. Oui. On se sent vite explorateur dans le désert. Oui, on se sent vite explorateur, d'autant plus que c'est comme la mer. Je veux dire, quand il y a une marée, la marée efface la trace de sur la plage, et la dune, vous la montez, mais ce que vous oubliez souvent, c'est que vous dites, elle est vierge, je suis le premier à la monter, mais en fait, le vent efface la trace et tous les jours, elle redevient à l'identique. Ouais. Donc, on est un explorateur de tous les jours. Sophie Guérardi, dans le 1 Hebdo, vous donnez la parole à tous ces passionnés du désert. Vous avez notamment interviewé notre invité, mais vous aviez interviewé d'autres gens que Jean-Marc Duroux, et vous avez interviewé Bruno Doucet. Il ne dit pas autre chose dans son texte quand il dit dans la main du temps, le désert contient le début et la fin du monde. Quand vous vous réveillez, même vos propres traces sont effacées dans la nuit. Le voyageur a le sentiment d'être le premier homme ou le dernier. Oui, alors Bruno Doucet est un poète. Oui, et ça s'entend quand il parle. Il parle en poète, il écrit en poète. C'est quelqu'un qui a édité un magnifique livre qui s'appelle « Le livre des déserts ». Dans la collection bouquins, où on trouve, c'est des miscellanées sur le désert, on y trouve des informations scientifiques, des poésies, de la littérature, de l'histoire, tout ce qu'on peut trouver. Voilà, c'est un peu un résumé de ces 2000 livres qu'il y a dans la bibliothèque de Jean-Marc Duroux. Un érudit, Jean-Marc Duroux, il connaît tout. Donc Bruno Doucet, lui, a un rapport peut-être plus littéraire au désert. Il explique très bien comment on est à la fois, on se sent tout petit et on se sent augmenté en même temps quand on est dans le désert. Ça, apparemment, c'est quelque chose de fascinant. Voilà. Ouais. Alors, Jean-Marc Duroux, vous, ça vous a donné envie de ne pas prendre la plume tout de suite, mais votre appareil photo. Le désert vous a amené à la photographie et vous êtes devenu un photographe réputé du désert. Hein. Voilà, alors je suis humble et je le dis en toute sincérité, je suis autodidacte. Et j'aurais voulu écrire au départ, mais j'avais peur d'écrire, parce que étant autodidacte, je ne savais pas si mon écriture était bonne ou pas. Donc j'ai laissé de côté vraiment la plume et d'un seul coup j'ai découvert l'appareil photo. Alors j'ai vendu ma moto en France, j'avais une petite moto, j'ai acheté un appareil d'occasion, quelques pellicules et je me suis dit c'est peut-être le moment ou jamais de faire quelque chose, de montrer, mais avec ce sentiment de partage vis-à-vis de mes amis au départ. J'avais pas du tout l'intention de devenir un professionnel, j'avais simplement envie de partager ce que j'étais en train de découvrir, aux gens qui m'entouraient. Et puis progressivement, j'ai eu envie de partager mes émotions. Et la photographie a été en quelque sorte, vraiment le tremplin pour faire partager mes émotions ouais. de ce désert et mon amour du désert. Une façon de transmettre. Et puis, très rapidement, en parcourant les déserts, vous avez rencontré un homme dont le nom aujourd'hui est vraiment associé au désert, Théodore Monod. Comment s'est passée votre rencontre avec ce personnage qui a une aura, hein, évidemment, Théodore Monod? Voilà. Alors, au départ, c'est pas Théodore Monod que j'ai rencontré le premier. C'est un vieux colonel qui était fasciné par le fait qu'un gamin de mon âge, j'avais 16-17 ans, soit passionné de désert. Donc, il m'a dit, écoutez, il s'appelait colonel Le Sourd, et Le Sourd m'a dit, écoutez, allez voir Théodore Monod de ma part. Alors, je suis arrivé au Muséum d'histoire naturelle, j'ai rencontré Théodore, et je pensais en toute sincérité que j'allais rester 10 minutes. Et la conversation a vraiment duré longtemps, et je m'intéressais au sel de chameau, la monte à chameau de toutes les tribus au Sahara. C'était une passion chez moi qui m'était venue comme ça. Et vous aviez quel âge quand vous le rencontrez? J'ai 17 ans. 17 ans. Ouais. Et j'étais passionné, j'avais écrit un petit fascicule sur les sels de chameau, sur la monte à chameau au Sahara, et lui venait de sortir justement un gros fascicule. Oui, quelque chose d'un peu plus. Et en fait, ça là, alors il était bluffé. Ouais. Et du coup, ça a donné la naissance d'une amitié auquel je n'aurais pas imaginé. Ouais, 30 ans d'amitié. Elle a duré pendant plus de 30 ans même, et ça a été vraiment une amitié vraiment très très ouais. solide. Et il m'a permis, moi qui étais autodidacte, il m'a poussé à écrire, il m'a poussé à me passionner pour des secteurs scientifiques que je n'aurais pas fait si j'avais été seul, ouais. comme la géologie, la faune, la flore, etc. Mais lui, il m'a poussé. Comment expliquer que Théodore Monod ait été happé comme ça par le désert, lui qui, au départ, était quand même un spécialiste des poissons, hein? Oui, c'était un ichtyologue. Ouais. Donc, effectivement, eh ben, quand il est arrivé, en fait, en 1922, en Mauritanie, il arrive à Port-Étienne, qui est à l'époque un petit village de cabanes au bord de la mer, de l'océan Atlantique, et où il n'y a rien. Il est nommé pour 2 ans quand même. Et comme il l'a dit souvent, j'avais face à moi un océan liquide, et derrière mon épaule, j'ai découvert un océan sableux. Je vous propose de l'écouter, Théodore Monod, parlant de son si cher désert. C'est une école d'humilité, d'abord. Une école de résignation, parce que là, on s'aperçoit qu'on ne nous commande plus. Pour le temps, par exemple. Nous sommes toujours pressés, nous, les Européens, toujours bousculés. On veut prendre un chameau comme on prend le train à 10h45 ou à 8h27. Mais non, c'est pas comme ça, les bédouins. Mais si les chameaux n'arrivent pas aujourd'hui, ben ils arriveront demain. Et s'ils n'arrivent pas demain, ben peut-être qu'ils seront là après-demain. C'est eux qui ont raison, en réalité. Et puis alors, ça, c'est une leçon de frugalité aussi. Le nécessaire représente peu de choses. On peut simplifier à l'extrême un régime alimentaire, par exemple. Avec du riz, du thé, du sucre et quelques dattes. Quelques arachides, peut-être aussi, parce que c'est pas très agréable. Et puis alors aussi, il y a une autre chose qui est simplifiée dans les déserts. Ici, le moindre bobo nous précipite chez le pharmacien, chez l'apothicaire. Mais là-bas, on traite les choses par le mépris. On a mal aux pieds, ben oui, on a mal aux pieds, mais il faut bien continuer à marcher, tant pis. S'il y a une ampoule, ben, et un jour ou l'autre, elle disparaîtra. Théodore Monod, dans les Nuits magnétiques de France Culture en 1990, leçon d'humilité, de frugalité. Il disait aussi, ici, même les rois redeviennent les esclaves du réel. Absolument. Mais c'est vrai que le désert est un lieu où on se redécouvre. On se redécouvre. Même Saint-Ex a été complètement fasciné par le désert. Saint-Ex disait, le désert, c'est ce qui naissait en nous, ce que nous apprenions sur nous-mêmes. Et c'est vrai, on éprouve un choc. Souvent, d'ailleurs, le désert a été, dans la littérature coloniale notamment, l'histoire, c'est un jeune officier ou un jeune militaire part au désert après un grand chagrin d'amour. Même Théodore Monod est parti au désert après un grand chagrin d'amour. Moi, ça a été la séparation de mes parents, de ma vie personnelle qui a été très bousculée par cette séparation. Ouais. Et on part se soigner dans un premier temps quand on décide. On cherche d'oublier. On cherche d'oublier, on cherche... j'avais aussi le fait, j'avais un petit complexe d'être autodidacte. Et ça a été magnifique parce que, si vous voulez, là-bas, quand vous rencontrez des nomades et que vous liez d'amitié avec eux, les gens vous demandent pas ce que vous avez fait dans le passé. Il vous demande pas non plus si vous avez fait des grandes études. Il vous demande pas non plus ce que vous allez faire demain. Ouais. On vit le moment présent. Et ça, pour moi, ça a été très très important. Ouais. Alors Théodore Monod hein, s'inscrit dans une lignée d'explorateurs, mais une lignée finalement pas très longue. L'exploration du Sahara par les Européens a débuté assez tardivement. C'est ce que nous allons voir avec vous, Jean-Marc Duroux, en compagnie de Sophie Guérardi du 1 Hebdo, dont le dernier numéro est consacré au Sahara. C'était Dreams de Emmanuel Saigné et The Liminanas sur France Inter dans le temps d'un bivouac. On garde, la fin de l'hiver ramène comme chaque année depuis des siècles et peut-être des millénaires, le rassemblement et le départ vers les terres du sud de la fameuse caravane du sel. À dos de chameau, les blocs de sel gênent dont le poids atteint quelquefois 100 kilos sont amarrés. Et tout au long de la longue route qui les mènera du centre du Sahara vers le centre de l'Afrique, la caravane s'augmentera de tous les clans qui la rejoindront à point nommé. Une image de légende au XXe siècle, la caravane du sel. Les années passent, rien ne change, les nomades restent les mêmes. Voilà 30 jours que nous marchons dans le désert. Nos journées se ressemblent toutes. Nous partons très tôt le matin et nous nous arrêtons au coucher du soleil pour vérifier le chargement des chameaux. À la nuit tombée, nous repartons. Pendant la traversée, nous ne dormons presque jamais. Il ne faut pas perdre de temps car nous devons économiser l'eau et le fourrage. La mythique caravane du sel, hein, la première archive datée de 1948, et puis l'on voit que plus récemment, rien ne semble avoir changé. On va voir avec vous, Jean-Marc Duroux, si c'est bel et bien le cas. Vous, votre première caravane du sel, c'était en 1976. 16, oui, absolument. Quel souvenir vous en gardez? Alors, c'est une caravane du sel qui partait pas du Hogar. C'était une caravane du sel qui partait des montagnes de l'Aïr, au nord du Niger, donc à côté d'Agadez, et qui allait à Bilma, dans les falaises du Kawar, chercher le sel. Et donc, j'ai fait avec un de mes amis cette caravane, avec Joël Jaffre. Nous avions acheté une petite deux chevaux. On est descendu jusqu'à Agadez en deux chevaux. À l'époque, il y a pas de goudron. Et puis ensuite, on a pris ces fameux camions. Vous savez, ces camions grappes où on voit des centaines de personnes dessus. On s'est attaché à ce camion parce qu'il fallait faire très attention. On pouvait tomber de ce camion et personne ne s'arrêtait. Donc, il fallait vraiment faire très très gaffe à ne pas tomber dans le Ténéré parce que on vous laissait pour mort. Vous tombez du camion. Allez, les chauffeurs libyens ne s'arrêtaient pas de nuit. Ils s'apercevaient même pas. Il y a tellement de gens sur ces camions que de toute façon, à moins que votre copain d'à côté se mette le signal. Donc on s'attachait avec des cordes et on était en plus de ça, nous, sur la cabine avancée avec Joël. Et ensuite, on a pris la caravane du sel et on a commencé à marcher. Alors, contrairement à ce qui était dit là, dans cette interview, on dort quand même. Hein, on dort quand même. Effectivement, on part très, très tôt le matin. On met terriblement de temps à charger ce sel. Il faut 3 heures pour charger une caravane. Et puis, on marche sans s'arrêter jusqu'à la nuit. Mais elles existent encore? Elles existent encore, ces caravanes du sel? Elles existent encore, absolument. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait de tout ce sel qui traverse le désert? Le Sahel, c'est-à-dire le rivage sud du Sahara, le Sahel veut dire le rivage en arabe, et a besoin de sel au niveau de l'alimentation des animaux, mais aussi au niveau de l'alimentation humaine. Et donc, on a besoin de ce sel, et c'est un des plus anciens commerces, mille contre sel. Toujours avec des dromadaires pour. Alors, toujours avec des dromadaires, et dans un univers où le Ténéré est un univers où il y a que, sur 700 km, il n'y a qu'un seul puits. Ouais. C'est vraiment une épopée. Une épopée parce que vous marchez dans le sable et c'est très très fatigant parce que c'est du sable mou. Et vous suivez le dromadaire qui, lui, est un animal qui semble marcher lentement, mais qui marche vite en finalité. Et qui est associé, évidemment, dans l'imaginaire de tout le monde, au Sahara. Mais est-ce qu'il vient vraiment du Sahara? Non, alors ça, c'est une anecdote très, très amusante. Le dromadaire au Sahara n'est venu que très tardivement. En fait, Il vient d'où, alors? Son ancêtre s'appelait le Proptilaptus. Il y a 50 millions d'années, il est né en Amérique du Nord. Là, il était de la taille d'un lièvre. Il est devenu de la taille d'une biche. Et puis, deux groupes se sont séparés. Un groupe de camélidés s'est dirigé vers l'Amérique du Sud. Ça a donné le lama, la gigogne, le guanaco. Ouais. Et un autre groupe a traversé le détroit de Bering pendant une glaciation, est arrivé en Asie, s'est séparé. Ouais. Et là, ça a donné le chamois de bosse de Mongolie, que nous connaissons, avec des longs poils. Et le dromadaire, lui, a continué en direction de l'ouest. Il est arrivé en Inde. Là, les hindous l'ont nommé dromas en sanskrit. Les Grecs d'Alexandre le Grand, qui sont arrivés là, ont repris le mot drôme. Et c'est devenu courir, hippodrome, vélodrome. À partir de cette base de sanskrit, c'est devenu du grec. Et puis, ce dromadaire a continué vers l'Arabie. Il a été monté pour la première fois 2000 ans avant Jésus-Christ en Donc Arabie. Domestiqué il y a 2000 ans seulement, voilà, ce dromadaire, dans la région pour la monte. Et il n'est arrivé qu'au 1er siècle, à la fin du 1er siècle, ce qu'on appelle au Maghreb. Ouais. Hein, puisque en fait, Septime Sévère, un empereur romain, le décrit pour la première fois 150 ans après Jésus-Christ. Ouais. Cousin du lama. Donc on retient que s'ils se ressemblent, ce dromadaire et ce lama, c'est pas un hasard. Ils sont cousins relativement proches. Sophie Guérardi, un des points qui vous a intéressé dans le numéro du 1 Hebdo, Passion Sahara, c'est le fait que son exploration par les Européens est très tardive. Pendant longtemps, cette zone est restée une sorte de bulle blanche sur les cartes. Exactement, on n'y allait pas. D'abord parce que ça faisait peur, parce qu'on n'avait aucune raison particulière d'y aller. C'était la terra incognita. Longtemps, comme disait Théodore Monod, l'Afrique est restée une Afrique de marins. On en faisait le tour. Et puis, on avait comme livre très très peu de choses. C'est d'ailleurs l'angle de l'entretien que nous avons eu avec Jean-Marc Duroux dans ce numéro du 1. On est passé de pratiquement pas de livres, enfin voilà, Hérodote et quelques dizaines de chroniqueurs arabes et européens jusqu'à l'ère moderne. Ouais, c'est-à-dire qu'Hérodote, 5 siècles avant notre ère, et les premiers explorateurs au 19e siècle, entre les deux, pas grand-chose. Des descriptions encyclopédiques comme Dapper, et puis presque rien. Et puis, à partir du milieu du 19e siècle, brusquement, une floraison, un intérêt, parce qu'il fallait aussi accompagner la conquête quête de l'Afrique. Ouais. Voilà. Jean-Marc Duroux, on est au moment du au 18e, c'est le siècle des Lumières, il y a plus d'humanisme, on cherche à arrêter cette lutte anti-esclavage. Il y a énormément d'associations qui se créent en Angleterre pour arrêter l'esclavage en Afrique. Mmh. Et à partir de quoi tout va changer. Tout va changer parce que on est aussi en Europe au démarrage de l'industrialisation et que l'Afrique est une terre vierge qu'on peut accaparer avec des matières premières qui sont insoupçonnées. Donc on va se lancer dans cette conquête de l'Afrique et on va y lancer les explorateurs. Sophie Carrari. Et d'ailleurs, pour conquérir l'Afrique, on a ce passage-là, ce bac à sable énorme qui est très très gênant. Et donc les Européens, jamais à court d'une bonne idée, se sont dit mais au fond il y a des coquillages là qu'on trouve dans le sable. C'était sûrement une mer. Donc il suffirait de faire un canal du côté de la Méditerranée, un canal du côté de l'Atlantique, et puis pouf, ça se re-remplirait et au lieu d'avoir un désert, on aurait une mer. Alors bon, la faisabilité n'était pas évidente. D'autant que quand on a mesuré, on s'est aperçu que là où on croyait être 40 mètres en dessous de la mer, on était en fait 40 mètres au-dessus. Oui. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Mais il y a vraiment alors des gens qui ont réfléchi à faire traverser des canaux à ce grand désert. Oui, absolument. Du Chott d'Algérie à l'est de l'Algérie, effectivement, et avec la Tunisie. Il y avait un canal qui avait été prévu par Rouder, un projet complètement dingue. Mais il y a eu beaucoup de projets fous. Le projet du Transsaharien. Ouais. Là, c'était donc par... Aussi, faire un train qui irait d'Alger ou d'Oran jusqu'au Niger. Ouais. Et ça a duré, ce projet a été tenu jusqu'au moment de la Ve République. Mmh. Hein, et puis il a volé en éclat au moment des indépendances. Alors parmi les explorateurs d'hier, un qui a vraiment marqué son époque, un des premiers en 1850, c'est Heinrich Barth. Je crois que comme beaucoup de gens, vous lui vouez un certain respect, une admiration. Hein. Oui, Barth est un explorateur exceptionnel du même niveau que Livingstone, mais lui pour le Sahara et le Sahel. En fait, en 1788, est créé en Angleterre, une association, l'African Association, qui va recruter des explorateurs, dont Barth en 1850, et Richardson et Overweg, et ils partent. On les envoie de l'autre côté du Sahara, mais à partir de Tripoli. Donc ils traversent le Sahara du nord au sud. Ouais. Et de l'autre côté, au lac Tchad, ils ont même emmené un bateau pour naviguer sur le Tchad, un bateau démontable, en 1850, c'est pas rien. C'est moderne. Et oui, et les deux explorateurs, Overweg et Richardson, meurent. Et là, on pourrait dire que Barth, qui est un très grand scientifique, pourrait dire, écoutez, mes deux copains sont morts, je retraverse le Sahara et je rentre en Angleterre. Eh ben non, pas du tout. Barth part et va en direction de Tombouctou. Mmh. Et il se fait passer, comme Tombouctou est une ville interdite aux chrétiens, il se fait passer pour un shérif syrien. Et il arrive à rentrer dans Tombouctou et à faire une étude. Et il étudie d'une manière extraordinaire tout le Sahel. Mais au niveau des langages, au niveau de littérature, il sort 5 livres extraordinaires sur la faune, la flore. C'est le premier explorateur qui ramène enfin des notes intéressante et de grande... 16 000 kilomètres à pied en 5 ans. Il revient donc en écrivant ses 5 livres, mais il aura risqué sa vie. J'espérais encore apercevoir bientôt notre caravane. Je crus même un moment distinguer dans l'éloignement un convoi de chameaux. Mais c'était une illusion. Le soleil baissait et il me fallait songer à savoir où passer la nuit. Je voulais faire du feu pour indiquer ma présence à mes compagnons, mais la force me manqua pour réunir un peu de bois. Je sentais comme une fièvre s'emparer de moi. Je me couchai, presque sans connaissance. Au bout de 2 heures, je me levai et regardai autour de moi. J'aperçus à quelque distance un targhi qui arrivait lentement en regardant de tous côtés. D'une voix éteinte, je pus encore lui crier « Aman ! Aman ! De l'eau ! De l'eau !» Ce fut avec une joie sans nom que je l'entendis aussitôt me répondre « Iwa ! Iwa ! » En quelques instants, mon sauveur se trouvait à mes côtés, me lavant et me bassinant la tête, tandis que je lui disais instinctivement à plusieurs reprises « Alhamdoulilah ! Alhamdoulilah !» Récit d'une expédition d'Heinrich Barth par lui-même, lu par Luc de Baptiste sur France Culture en 2003. Il a manqué de mourir plusieurs fois lors de son expédition. Il a manqué de mourir plusieurs fois et en plus de ça, il avait fait un voyage autour de la Méditerranée où il avait pris une balle dans la jambe et il a fait ses 16 000 km avec cette balle. Il est revenu avec cette balle dans la jambe, c'est incroyable. Donc c'était un personnage étonnant parce que c'était un scientifique fantastique qui a ramené des données fabuleuses, mais c'était aussi physiquement un homme hors du commun. Hein, ouais, une énergie commun, une débordante. Énergie, et il a donc sorti 5 livres somptueux, mais vraiment magnifiques, qui aujourd'hui encore ont une très très grande valeur. Autre grand explorateur du Sahara, alors nous mentionnions son nom en début d'émission, il s'appelle Henri Lotte, préhistorien. Alors lui, on est déjà au début du XXe siècle, hein, on a avancé dans l'histoire. Le voici ici, racontant l'une de ses expéditions à la découverte des peintures rupestres du Sahara. Personnellement, je restais haletant pendant plusieurs minutes, le souffle véritablement coupé. Une profusion de gravures de grande taille s'étalait sous nos yeux dans un cadre des plus impressionnants. Des éléphants de haute taille, des hippopotames, des rhinocéros, des girafes, des buffles, des figures humaines formaient des fresques harmonieuses et l'on se serait cru dans la galerie d'un musée lors d'un vernissage de cavités. Nul être vivant autour de nous, sinon nos chameaux, qui, tels des bêtes de l'Apocalypse, broutaient placidement les quelques touffes sèches de graminées qui poussaient çà et là dans la rocaille. Une surprise toutefois nous attendait, car, ayant remonté l'ouest d'une centaine de mètres, je trouvais une minuscule petite mare aux eaux claires dans lesquelles frétillait toute une colonie d'élégants barbeaux aux corps argentés. Ces poissons jetaient encore un peu plus de confusion dans notre esprit et nous demandions, sincèrement, si nous trouvions bien au Sahara ou si nous étions l'objet d'un rêve. Voilà, des paysages déjà moins classiques que l'on se figure du Sahara. Et ces peintures rupestres, alors qu'il n'a pas vraiment découvertes, mais qu'il a beaucoup étudié. Il a beaucoup étudié, c'est ce que j'allais dire. Je tiens quand même à remettre les choses en place. Les deux personnes qui ont vraiment, dans le Tassili, découvert les premières peintures, c'est le capitaine Brennan, qui était un officier méhariste, qui en 30 se promène par hasard dans l'Oued Girat et découvre ces peintures de l'Oued Girat. Et ensuite va avertir Alger, qui va avertir en fait Henri Lotte, qui viendra sur le terrain. Et puis il faudrait aussi faire aussi un hommage à Djibril, qui était le guide Touareg, parce qu'on l'oublie souvent, ce pauvre guide qui lui connaissait parfaitement le plateau parce qu'il y vivait. Donc c'est important quand même que... Oui, alors il faut toujours... C'est vrai qu'on est toujours très auto-centré dans cette exploration du Sahara. Il faut bien imaginer que les gens qui y vivaient, eux, connaissaient depuis longtemps déjà, voilà. Et avaient déjà vu beaucoup de choses que l'on a mis du temps, nous, Européens, à découvrir, évidemment. Toujours est-il que ces peintures rupestres, elles révèlent un passé très riche de ce lieu. Finalement, la zone n'est pas désertique depuis très longtemps au regard de l'échelle géologique. Il y a eu des va-et-vient climatiques, alors évidemment au paléolithique, au mégalithique, néolithique, et c'est vrai que dans la dernière phase au néolithique, c'est-à-dire 6000 ans avant Jésus-Christ, le Sahara ressemble à la savane africaine qu'on connaît aujourd'hui, du Kenya. Il y a des rhinocéros, il y a des éléphants, il y a des lacs, la preuve dans le Ténéré, il y a des lacs, à Drarbou, j'ai trouvé des squelettes de perches géantes, donc des poissons, la perche géante, de 2 mètres de long, je veux dire, donc il y a eu de l'eau, c'est vrai que on n'imagine pas ce désert aujourd'hui, recouvert d'arbres, etc., mais c'est aussi pour ça qu'il y a du pétrole, parce qu'en fait, le pétrole, c'est ni plus ni moins les résidus de toute cette végétation extraordinaire qu'il y a eu au Sahara. Et c'est vrai qu'on a découvert ce Sahara très tardivement, ce Sahara préhistorique très tardivement. Ce sont des archives, des véritables archives historiques de notre planète que l'on trouve dans ce lieu. Oui, avec un musée à ciel ouvert qui est le Tassili Mazjer, qui est le plus grand musée du monde à ciel ouvert. Un parc national depuis 72, qui est une merveille. Alors c'est vrai que le Sahara est souvent comparé à un musée à ciel ouvert. C'est aussi une zone habitée. Les rencontres que vous avez faites, Jean-Marc Duroux, avec les nomades ont joué un rôle dans votre attachement à cette région. Nous allons prendre le temps d'en parler dans un instant. Nasna cri du mai. Wadin batilin min alju. Wayalum bihanu. C'était Al-Sahara Munira Michala sur France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. Qu'elle véhicule comme message à cette musique ? Le message que l'on veut faire passer, c'est que l'homme Touareg, où qu'il aille, reste le même. Il garde ses traditions. Il ne perd pas ses valeurs. Un extrait d'Échappée Belle sur France 5 en 2015. Des chants qui doivent vous rappeler des choses, peut-être, Jean-Marc oui. Duroux. Oui, des chants qui me rappellent, évidemment, des tas de moments passés avec mes amis. Mais ce que je voulais dire, c'est surtout que il y a cet attachement des Touaregs qui est tout à fait, qui me bluffe complètement, à leur désert. On est dans un milieu hyper aride, on est dans un milieu très dur, où il faut vraiment être né sur place pour vivre au quotidien cette vie. Et les Touaregs sont certainement les gens qui migrent le moins. Ils sont attachés à leur terre, à leur tradition, ils sont attachés à leur désert, et ils en ont besoin, comme une véritable drogue. C'est-à-dire, c'est un attachement extraordinaire. C'est un peuple qui, au-delà de sa culture, aussi de sa poésie, de sa musique, de son hospitalité, et c'est un grand bluff aussi de la vie, parce que quand vous êtes dans le désert, vous avez fait 200 kilomètres à travers un désert intégral, vous arrivez dans un oued où il n'y a rien, où vous, on vous projetterait dans cet oued, vous ne tiendrez pas 48 heures, vous mourrez, et en fait, eux vivent là avec leurs parents, leurs enfants. On est loin de tout et ils arrivent à survivre dans le désert. C'est d'ailleurs ce qui vous a aidé paradoxalement ces régions arides et rudes quand vous-même, au sens figuré, vous avez eu à traverser des périodes, des traversées du désert hein, comme on traversée en, du en, désert, oui. On en passe tous. Oui, j'ose le dire parce que c'est quand mon meilleur copain Mano Dayak est mort dans un accident d'avion, qui était chef de la rébellion au Niger, ça m'a beaucoup choqué. Puis ensuite j'ai été dans les camps de réfugiés pour les Nations Unies, à Bassikounou, où j'avais vu 70 000 réfugiés nomades, là, il y avait des Touaregs et des morts, j'avais été extrêmement choqué de voir ces gens que j'avais connus heureux, qui étaient cette fois-ci des gens dans la misère totale. Et j'ai eu des angoisses terribles quand je suis retourné dans le désert. Donc là, on est en 95. En 95, voilà. Et à ce moment-là, j'en parle à un de mes amis et je lui dis, écoute, Michel, j'ai des angoisses quand je retourne dans le désert. Et il me dit, bah, écoute, j'ai peut-être le remède. On va aller dans un campement chez un ami qui s'appelle Marabat, dans la Matlis, à l'est de la Drar de Mauritanie. Et je vais te laisser là en famille avec cette personne. C'est-à-dire que là, il y a les enfants, les grands-parents, etc. Et je suis resté plusieurs jours dans ce campement au milieu de rien, au milieu des dunes, sous des khaymas, la grande tente blanche mauritanienne. Et à chaque fois que l'angoisse venait le soir, en fait, au tomber de la nuit, je voyais ces enfants qui criaient, cette famille qui se rassemblait autour du feu, et ça me rassurait. Et c'est grâce à eux, cette thérapie, grâce à ces gens, cette famille, que j'ai réussi à repartir au désert et à revivre normalement dans le désert. Et puis, il vous a fait réfléchir quand vous disiez ils sont attachés, ces gens du désert, à leur désert. Il avait, Marabat, cet homme que vous avez rencontré, il avait une compagnie de taxi, je crois. Oui, alors ça m'a énormément plu comme histoire, parce que ce type, c'est l'attachement au désert, c'est vraiment Marabat nous le montre. C'est un nomade, il a rien, il part de son campement, il va à Nouakchott, et pendant plusieurs années, il devient taxi. Donc, il vit dans une petite maison, il y a l'électricité, il y a un robinet, hein, même si c'est pas le grand confort, il a quand même du confort. Début de sédentarisation, et d'un seul coup, ma mère me dit, moi, j'en ai eu marre, j'ai racheté des tentes, quelques chameaux avec mes économies, et il est reparti au bout du monde, dans la Matlis, mais au bout du monde, coupé de tout, et il était heureux de repartir vivre sa vie. Alors, la question de la sédentarisation des Touaregs se pose depuis longtemps. Voici comment on abordait le sujet en 1960 dans le magazine 5 colonnes à la une. Il était question donc des Touaregs vivant en Algérie. À cette époque, le pays était encore occupé par la France, qui ne reconnaîtra l'indépendance de l'Algérie que 2 ans plus tard. Nous avons rencontré d'autres nomades, ceux des plus grands itinéraires, les fameux hommes bleus du désert, les Touaregs. À eux aussi, nous avons posé la même question. Accepterez-vous un jour de vous installer dans ces villages construits par les Français ? Au village, nous trouvons tout ce qu'il nous faut. Mais nous voulons rester au Sahara. Nous voulons aller le voir périodiquement. Car c'est ce Sahara qui nous tient à cœur. Nous y avons été élevés. C'est un pays qui nous plaît. Nous voulons nous y promener. Au moins, tous les hivers. Les nomades deviendront-ils des sédentaires ? Accepteront-ils l'école, l'administration, la vie sociale qu'on leur propose ? L'état d'esprit des Touaregs et leur situation générale ont-elles beaucoup évolué au cours de ces 60 dernières années, Jean-Marc Duroux ? Ou est-ce que toujours ils refusent la sédentarisation ? Alors, il y a un proverbe touareg qui dit « La maison, c'est le tombeau des vivants ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais ça a toujours une réalité aujourd'hui, ça ? C'est une réalité moins qu'avant. Aujourd'hui, beaucoup de Touaregs se sédentarisent, mais beaucoup veulent encore rester nomades. Et puis, vous savez, on en a souvent discuté, même à l'époque avec Théodore Monod. Je veux dire, demain matin, le nomadisme tel qu'il existe au Sahara, c'est la seule manière de vivre dans certaines zones. Je veux dire, ça s'invente pas. Si on veut, on peut pas venir grossir les villes éternellement s'il y a pas économiquement, il y a rien. Donc le troupeau, c'est essentiel. Il faut que ça continue. On a besoin de viande pour le Sahel. On a besoin de dromadaires, de chèvres, de vaches. C'est un facteur économique. Il faut au contraire aider, peut-être différemment que dans l'ancien temps, mais il faut quand même aider ces populations à rester nomades, et en tout cas à rester pasteurs nomades. C'est surtout ça qui est important. Sophie Guérardi, on va terminer avec vous, parce qu'on arrive déjà à la fin de cette rencontre. On aurait passé beaucoup plus de temps dans le désert, mais on va pouvoir prolonger notre traversée du désert en lisant Le 1 Hebdo, Passion Sahara, disponible dans les kiosques dès aujourd'hui. Alors, donc moi je voudrais signaler 2 choses. Une chose toute simple, à la portée de tout le monde. Allez dans la banlieue de Montpellier visiter le musée du Sahara, qui a été lancé par un garagiste mécanicien qui avait fait le Paris-Dakar, qui est devenu un amoureux fou du Sahara. Il a fait un petit musée, c'est un bijou. Vous êtes d'accord, monsieur Duroux? Oui, absolument. Vous l'avez visité, Jean-Marc Duroux? Oui, oui, absolument. Ouais. Absolument merveilleux. Ça, c'est une première chose. Tout à fait autre chose, le grand écrivain académicien qu'on ne présente plus, Jean-Christophe Ruffin, ancien médecin du monde, ancien ambassadeur, nous a écrit un grand papier Sahara 21e siècle sur des choses pas si drôles qui se passent dans le désert ou ce qui est sillonné par des troupes armées, par des rebelles de toutes sortes, mais aussi des groupes terroristes islamistes repliés depuis la Syrie, depuis la Libye et qui donc font de ce Sahara un endroit pas si facile que ça. Jean-Marc Duroux, il y a des lieux que vous avez visités plus jeunes qui sont complètement inaccessibles aujourd'hui dans le désert du Sahara. Oui, bien entendu, bien entendu. Ouais. Par exemple, des zones au nord Niger, il y a des zones au nord du Mali où je n'irai pas, Maintenant, j'essaye d'être optimiste parce que j'ai foi en ces peuples nomades et en ces peuples sédentaires du Sahara. Je sais qu'un jour ou l'autre, et à très court terme, ceci va changer et deviendra, le Sahara va se rouvrir, j'en suis sûr. Sophie Gérardi. Je l'espère, évidemment. Et oui. On a le droit de rêver. Évidemment. D'autres points à signaler dans le 20 hebdo? Non, écoutez, il y a plein d'autres de choses. Voilà, le texte d'Odette Dupuis-Godeau sur l'autre caravane du sel, celle de la Mauritanie. Et puis si, le Sahara n'exporte pas de sable. Perdez cet espoir. Oui. Et on a besoin de sable. C'est la plus grande exportation mondiale, le sable. Ouais. On a besoin de sable pour tout. Et ben, c'est pas au Sahara qu'on le trouvera parce qu'on ne peut pas utiliser le sable du Sahara pour la construction. Voilà. Donc on ne viendra pas vider le Sahara de son sable. Finalement, c'est peut-être une bonne nouvelle que vous nous annoncez là. Tout ça est à découvrir donc dans le dernier numéro du 1 Hebdo qui vient d'arriver dans les kiosques. Passion Sahara. Et puis Jean-Marc Duroux, je signale que vous êtes l'auteur de L'exploration du Sahara aux éditions Babel Actes Sud. Théodore Monod, Une vie de Saharien, édition Vent de Sable, et puis une trentaine de livres, on les citera pas tous, mais effectivement, il y a une grande production à lire si on veut en savoir plus. Merci à tous les deux. Et puis Sophie Gérardi, à dans 15 jours, vous nous emmenez où avec le 1 Hebdo dans une quinzaine de jours? En Himalaya. Passion Himalaya, ce sera à découvrir avec vous dans une quinzaine de jours. Merci à tous les deux. Merci. C'était Leila Altingen sur France Inter. La programmation musicale est signée Djoubaka. Et à 17h54, nous partons en forêt. Allô? Allô, allô? Oui. Sur France Inter. Vous pouvez patienter un petit moment? Oui, mais c'est le satellite qui attend. Et oui, c'est le satellite, bien sûr. L'aventure en direct. L'appel téléphonique le plus extraordinaire que j'ai jamais fait, dit-il. Bonjour Laurent Tillon. Bonjour Daniel. Vous êtes chargé de mission en biodiversité à l'Office national des forêts et vous êtes actuellement perché dans un arbre. À combien de mètres de hauteur vous trouvez-vous? Alors actuellement, je suis à une dizaine de mètres dans un hêtre qui fait à peu près 35-36 mètres de hauteur en forêt de Troncée dans l'Allier, en Auvergne. Vous êtes bien accroché, hein, on est vraiment en direct, vous ne me faites pas le coup Je me suis stabilisé en fait, j'avoue que je suis bien installé parce que j'ai une petite branche qui me permet de poser les pieds et d'éviter d'être totalement dans le vide. D'accord. Donc c'est parfait. Alors voilà. Qu'est-ce que vous voyez autour de vous, là où vous êtes? En fait, donc tout autour de moi, je vois donc une forêt avec beaucoup de végétation, notamment en dessous. On a l'habitude de toujours voir la forêt du sol et donc de toujours voir ces grands arbres qui s'élèvent vers le ciel. Là, ce qui est assez surprenant, c'est le fait de s'élever et d'être dans l'arbre. Du coup, on voit aussi la végétation du sol. Et ce qui est assez surprenant, du coup, c'est qu'il y a toute une vie en hauteur, notamment sur les feuilles des arbres ou sur le tronc de l'arbre sur lequel je me trouve. Et notamment, je suis devant un trou qui est formé dans ce hêtre et dans lequel il y avait hier soir des chauves-souris. Eh oui, parce que vous êtes là pour les chauves-souris. Alors, vous étiez venu dans l'émission il y a une quinzaine de jours nous en parler de ces chauves-souris. Là, on vous retrouve sur le terrain. Vous êtes en mission. Quel est l'objet de cette expédition? En fait, l'objectif est de mieux comprendre les relations entre une espèce de chauve-souris en particulier qui est très forestière, qui s'appelle le murin de Bechstein. C'est un nom assez imprononçable. En fait, c'est une petite chauve-souris de 10 grammes qui est très très forestière, qui chasse en forêt, qui chasse en particulier des insectes qui mangent les feuilles des arbres. Donc nous, en tant que forestiers, ça nous intéresse de mieux comprendre quel rôle cette espèce de chauve-souris peut jouer pour la régulation des insectes défoliateurs, donc qui mangent les feuilles des arbres. Et en même temps, c'est une espèce qui vit en colonie de femelles dans les troncs d'arbres. Mmh. Et donc l'objectif, c'est de mieux comprendre actuellement sur la forêt de Troncée les relations entre plusieurs colonies de cette espèce et la forêt, la structure de la forêt et la gestion forestière. Mais alors, comment vous vous y prenez concrètement? Déjà, là, on a compris, hein, faut payer de votre personne, hein, vous êtes monté en haut de cet arbre. Comment se déroulent vos journées? Ah, alors, c'est assez dense, parce que la matinée, en fait, on la consacre à essayer de retrouver des individus qu'on a équipés avec des petits émetteurs qui font moins d'un demi-gramme. Hein, la chauve-souris qu'on étudie fait 10 grammes environ. Donc elle porte avec elle, quand elle évolue en 3D, en trois dimensions dans l'écosystème forestier, elle porte un petit sac à dos qui fait 5% de son poids. Et puis ce petit émetteur nous permet de le repérer, de repérer l'animal avec une antenne et un récepteur. Mmh. Et quand on trouve l'arbre, on grimpe pour vérifier le trou de l'arbre qui héberge la colonie et l'animal en question. Et une fois qu'on l'a trouvé, on met en place un dispositif le soir. Donc là, ça se passe en journée. Et le soir, on revient, alors que la nuit va bientôt tomber. On met en place un petit dispositif de capture. Donc il y a un grimpeur qui reste perché dans l'arbre et puis un autre spécialiste des chauves-souris qui reste au sol. Et on installe donc notre système de capture avec une tyrolienne qui arrive jusqu'au sol, qui nous permet de descendre les animaux en douceur et après de pouvoir les étudier, de regarder leur état de santé, si on a affaire à des femelles ou des mâles, pour avoir la structure de la population. Et puis en même temps, globalement, si c'est des animaux qui sont bien portants ou qui présentent des petits problèmes de parasitisme ou de malformation. D'accord, vous faites prendre le téléphérique à ces petites chauves-souris. On va devoir se quitter dans une petite minute. Faites-nous quand même profiter de la faune qui se trouve autour de vous. Déjà, est-ce que vous risquez de faire des jolies ou des moins jolies rencontres? Il peut y avoir des nids de bourdons, par exemple, où vous vous trouvez? Alors, vous en parlez assez justement ce matin. On a grimpé dans un arbre au pied duquel se trouvait un nid de frelons. Et les frelons, c'est un petit peu les ennemis du grimpeur parce que tout le monde connaît un petit peu le frelon. La piqûre peut faire assez mal. Mais c'est un animal qui est assez calme et docile finalement. Donc si on reste très calme dans l'arbre, ça se passe plutôt bien. Très bien. Donc là, ce soir, on va grimper dans un arbre où il y a des frelons qui sont au pied. Et normalement, il ne devrait pas y avoir spécialement de soucis. Mais on a aussi plein d'oiseaux. Tout à l'heure, un loriot était à proximité. Donc c'est un animal qui, je crois que vous parliez du Sahara tout à l'heure. Et en fait, donc c'est un animal qui migre jusqu'en Afrique en hiver et qui revient en été et qui reste uniquement dans les frondaisons. Et oui, donc c'est vrai que c'est en étant en hauteur que du coup, on peut l'apercevoir. Et de l'arbre, quand on est sur la corde, ça arrive d'apercevoir cet oiseau-là. Merci Laurent Tillon, je rappelle le titre de votre dernier livre, Et si on écoutait la nature, aux éditions Payot. Prenez soin de vous et faites attention aux frelons. Debout, vite. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu fais tes valises et tu fonces à la gare. Demain, nous partirons nous promener dans l'œuvre de Jules Verne. À demain donc pour de nouvelles aventures.